n'est pas sexy. Balance tout, tu finis dans la saxo. Il veut 50, j'ai rajouté à 47,6. J'entends des klaxons et sur moi j'ai le sac seul. Ferme la porte, il faut que tu verrouilles l'accès. On a arrêté de compter les mauvaises actions. On finit sur le terrain numéro 10 dans l'axe. Ça veut gros qu'à vue, paire de talons. Dans un gros cube, port d'Italie. Pour l'instant, charbonne pour des talons. Je vais chercher ma graisse, je croise les portes de talons. Tu sais qu'on gère comme sur la moto. 3D118, ta proto, c'est la mi-temps. Y'a aucun mytho. Je rentre en audition, c'est bon, j'appuie sur mute. Grosse bouteille, au biberon, terre, terre, gros filon, full feu, gros bidon. Bécane, gros guidon, bouca, gros dinon, rabat, gros pilon. La bécane se lève sur l'allée. Les comptes sont là en retour. Deuxième plus sur la ligne. Si c'est plus chaud, c'est bon, on retire. Dans la zone, je mélange chiton et cigarette. Le guetteur alerte, y'a les cifs garés. Pas de message sur ma cimarette. Tout se passe en sous-marin, c'est suisse avec. J'ai des grammes cachés sous ma raie. Passe au stand, je fais frotter le béton. Je dois compter au cul, je fais flipper les piétons. Y'a rien d'inquiétant. Je prends une chier corps, je fais tomber mon pédou. Le temps passe, amène à quoi? Sur qu'un bien gros c'est image qui mène encore. Les bleus regardent si la semaine à qui. Pendant que sous leurs yeux le gérant ramène encore. La peu froid qu'elle est dans son cas. Si je la sens, ça sent comme 100 kills. On connaît les bolos sous cam. J'ai 31 jets, téléphone sans fil. Elle pue sa mère, ta soirée sans folle. À croire que j'entends du plus direct, on s'enfuit. Plan pour bite, t'inquiète, on s'en sort. Change du comico, la paire, elle s'ensuit.